Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les amoureux du cinéma le savent, il y a dans l'acte de créer une œuvre visuelle quelque chose de démiurgique. Pardon, chers auditeurs, pour le terme un petit peu jargonnant. Mais les cinéastes, les créateurs visuels, les plasticiens aussi, sont-ils pour autant des êtres habités par un esprit mystique ? C'est la question qui était posée dans cette émission de 1974, le quatrième volet d'une série sur les aspects du sacré dans le monde moderne. Avec quelques moments de bravoure signés Alexandro Jodorowsky, le réalisateur chilien installé à Paris venait de signer El Topo et La Montagne Sacrée, deux classiques hallucinés du cinéma indépendant. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, les arts plastiques et le cinéma. Laurent Lamy, critique d'art à Montréal. Je pense que tout artiste véritable a le sens du sacré, ce qui ne veut pas dire le sens de la religion, de la pratique d'une religion, mais je pense que les recherches esthétiques portent en elles-mêmes, si vous voulez, pour celui qui les fait, un certain mysticisme. Alors, je crois que tout artiste a en lui ce sens du sacré, quel qu'il soit. Avant de venir ici, je lisais dans Maritain qu'il disait « il n'y a pas de style réservé à l'art religieux comme tel ». Je pense qu'un artiste qui s'exprime avec une sensibilité, touche le sacré, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Et ça, c'est encore, je pense, plus évident dans le monde des arts plastiques. Peut-être qu'en littérature, on peut arriver à toucher une certaine forme de formalisme ou de stylistique pure. Mais je pense qu'au niveau de l'art plastique, que ce soit la sculpture ou la peinture, il y a toujours une recherche de l'absolu. Je pense que tout artiste, même poète, touche le sacré, je crois. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans quel secteur des arts plastiques, surtout selon vous, s'est développé ce sens du sacré chez les artistes ? Je pense que ici le sens sacré chez les artistes, récemment, si vous voulez, depuis les années 60, c'est surtout exprimé, je crois, par l'architecture. Depuis ces années-là, le début des années 60, il y a eu beaucoup de constructions religieuses dans divers coins de la province de Québec, et les architectes, par le renouveau liturgique, c'est-à-dire la messe face au peuple et d'autres nouvelles données, si vous voulez, liturgique, ont fait que les architectes ont pu s'exprimer d'une façon très libre, très ouverte, particulièrement si on pense à la région du lac Saint-Jean et de Chicoutimi, qui est un petit peu au nord de Québec et au nord de Montréal, des groupes, des bureaux d'architectes, je pense particulièrement à Saint-Gelais-Tremblay, il y a aussi Desgagnés-Côté. Dans un sens très actuel, avec des matériaux contemporains, je pense que ces architectes ont su donner à l'Église un sens qui porte à la méditation, à la réflexion. Il y a, selon vous, présentement un certain, et il y a eu en tout cas un certain renouveau dans l'art plastique sacré, architectural ou autre. Est-ce que cet art s'est inscrit au sein d'une rupture avec un certain courant qui l'avait précédé? Bien sûr, je pense que tout art religieux du début du XXe siècle était ce qu'on appelle l'art de Saint-Sulpice, statues, mièvres, pauvres et tout ça. Et je pense que cette brisure qui s'est produite dans d'autres pays d'Europe, en France particulièrement, s'est aussi fait ici avec peut-être un peu de retard, mais se servant de l'influence de penseurs, de théologiens, d'artistes français, nommément, si on pense à la revue L'Art Sacré, que nous lisions avec beaucoup d'intérêt quand j'étais étudiant, moi, dans ces années-là, et qui a sûrement influencé à la fois des architectes, des artistes, des membres du clergé d'ici. Maintenant, il va peut-être se poser un problème ici et sans doute ailleurs dans le monde avec la religion qui change, qui évolue. Je pense que on n'a qu'à voir au Québec, il y a beaucoup moins de constructions d'églises nouvelles à cause des mouvements démographiques d'une part et la désaffection des églises d'autre part. Je pense que il va peut-être se poser un problème. Comment arrivera-t-on à exprimer sa spiritualité si on ne construit plus l'église? Je sais qu'il y a des églises qui sont, ou des bâtiments qui servent à toutes sortes de besoins communautaires, celui de la religion entre autres, mais une église, on ne construit pas ou peu d'églises qui sont des bâtiments comme tels, qui ne doivent servir qu'à l'exercice du culte. Il va peut-être se poser un problème dans ce sens-là, mais je pense que la religion évoluant, les moyens d'expression et les techniques évolueront aussi, changeront, et ça ira vers quoi, enfin, on verra. Au niveau de la sculpture proprement dite ou de la peinture proprement dite, est-ce qu'il y a des peintres religieux ou sacrés ou... À ma connaissance, non. Je pense qu'autrefois, on sait que Borduin a fait pendant quelques temps des cartons pour des églises. Il n'a jamais eu beaucoup de succès. Je ne connais pas de sculpteurs qui pourraient être classés comme des sculpteurs d'art sacré d'une façon particulière, non. J'avais vous poser maintenant une question de spécification du sacré. Selon vous, c'est surtout au niveau quoi, de l'architecture et des objets sacrés que s'était exprimé le sacré dans l'art plastique au Canada. Est-ce que ce sacré-là était du côté de l'ouverture ou de la terreur? Est-ce qu'il était du côté de la manifestation de la joie ou de la célébration ou du côté de la souffrance, selon vous, et de la ténèbre? Je pense que non. Je pense que c'était plutôt tourné vers la joie, vers la lumière, qui a un sens sacré aussi. Si je me réfère aux églises dont j'ai parlé tantôt, au contraire, la lumière pénètre largement, souvent même pas atténuée par des vitraux. C'est plutôt le sens de la joie, de la pureté, de la sérénité, beaucoup plus que de la terreur. Et je pense que ça rejoint aussi l'évolution de la religion, qui autrefois était une religion écrasante, enfin qui empêchait de s'exprimer, et des choses comme ça. Je pense que au contraire, maintenant, la religion est beaucoup plus ouverte. Les plans, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation de l'espace dans une église, autrefois tout était sectionné et tout ça. Maintenant, c'est l'ère ouverte, et je pense que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vers la joie. Monsieur Laurent Lamy, est-ce que le sacré au niveau des arts plastiques est en mouvement au Québec ou est en régression? Je veux peut-être vous citer une autre phrase de Maritain qui disait « Il n'y a pas de règle pour donner à un objet d'art une valeur d'émotion religieuse. Celle-ci dépend au contraire d'une certaine liberté intérieure. On n'y parvient que sans la chercher directement et qu'en participant soi-même, d'une manière ou d'une autre, à la vie spirituelle. » Michel Campbell, le sacré dans le cinéma au Canada et aux États-Unis. Le cinéma est un des lieux sacrés de l'homme contemporain, un des lieux sacrés de l'homme sécularisé. À l'origine du cinéma, il y a le théâtre, et à l'origine du théâtre, il y a le premier théâtre qui a été la liturgie, qui a été le mystère, c'est-à-dire ce moment où les hommes se retrouvaient, se redisaient, rejouaient, participaient au drame fondamental du monde, au drame fondamental de leur réalité. Et j'ai l'impression que les religions traditionnelles, dans une large mesure, qui très souvent ont renoncé à l'iconographie, par exemple, qui ont une liturgie qui s'est figée, qui s'est très ritualisée et qui appartient très souvent à une caste ou à un pouvoir clérical bien défini. L'homme moderne se retrouve, va revivre ses mystères, retrouve sa religion vivante au cinéma. Est-ce que le cinéma serait devenu justement le lieu par excellence de l'expression créatrice, non ritualisée, non légaliste, où par exemple il exprime les habitations les plus profondes de lui-même? Oui, et c'est aussi dans une culture accélérée. Nous ne sommes plus dans le monde traditionnel où on avait un mythe fondamental auquel on revenait régulièrement au cours des saisons et pendant des siècles. Aujourd'hui, d'aucuns disent qu'une génération scientifique, ça dure 5 ans maintenant, et une génération culturelle, c'est peut-être la même chose. De sorte que l'homme contemporain a peut-être besoin continuellement de renouveler ses mythologies, de redire ses mystères profonds à chaque instant ou à chaque génération. Et à ce moment-là, le cinéma qui est dans les mass médias, qui est un moyen d'expression chaud, là, qui se fait sur commande et qu'on consomme tout de suite, dans un certain sens, c'est peut-être justement ce lieu du rituel de l'homme contemporain. Michel Gambol, comme cela, en vous entendant parler, on a bien l'impression que le cinéma n'est pas lieu sacré parce qu'il raconte une histoire sainte. Non, et le sacré, d'ailleurs, c'est rarement des histoires saintes. Et quand l'histoire devient trop sainte, tellement sainte d'ailleurs qu'elle semble perdre contact avec la réalité quotidienne, à ce moment-là, on la met dans les musées et on la conserve très bien derrière les vitres des musées et on ne la vit plus parce que le sacré, c'est la réponse, c'est continuellement la réponse à une situation quotidienne, une situation que tout le monde doit vivre et qui n'est pas pleine, qui marque une blessure dans l'homme. Et à ce moment-là, les gens ne s'intéressent jamais à un sacré en soi. Les gens s'intéressent toujours au sacré parce qu'en eux-mêmes, ils vivent des difficultés. Ils vivent à un moment donné des difficultés qu'ils ne sont pas capables de résoudre par eux-mêmes. Est-ce que, Michel Gambol, vous qui avez potassé un peu dans divers milieux au Québec, divers milieux religieux, vous pensez que le cinéma pourra devenir bientôt au Québec un instrument véritablement populaire d'expression sacrée? J'entends par là télévision communautaire ou autre. J'ai bien l'impression que quand on regarde la production, par exemple, qui s'est faite au Vidéographe, j'ai l'impression que spontanément, on a eu des jeunes anthropologues, par exemple, qui sont allés travailler au Vidéographe et qui ont tout de suite fait des productions sur la sacralité. Je pense à Pierre Falardeau, par exemple, qui a produit... Qu'est-ce que c'est exactement, le Vidéographe? C'est un centre communautaire de télévision, si vous voulez, où des jeunes soumettent des projets et où l'Office national du film du Canada leur prête des instruments, des caméras et des rubans de télévision. Et les jeunes peuvent d'eux-mêmes monter un spectacle de télévision d'une demi-heure, par exemple, que l'on présente dans un théâtre. Et à ce niveau-là, dans les premières productions, il y a eu de nombreuses productions qui touchaient au problème de la sacralité du rite. Je vous parlais de ce film « Continuons le combat », par exemple, où Pierre Falardeau a essayé de montrer comment la lutte était un rituel. Et pour la lutte, le catch, et pour le prolétaire, par exemple, pour l'ouvrier, ben, il pouvait se retrouver là-dedans. Et il réussit à montrer dans le film comment, au Canada, par exemple, l'arrivée de l'immigrant qui joue un rôle sur la scène politique, les Italiens, entre autres, l'arrivée des gens du troisième sexe sur la place publique faisait qu'étaient apparus des nouveaux catcheurs, des nouveaux lutteurs, qui étaient le beau prince ou l'Italien Johnny Ferenzo, là, et qui, justement, permettent à la masse populaire de revivre le combat, au fond, le combat primitif entre le bon et le méchant. Et... Dans un tout autre domaine, je vais vous transporter parmi les jeunes et la musique rock, et je vais vous dire, les pop festivals, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'expression sacrée? Moi, j'ai l'impression que c'est... Je suis beaucoup moins spécialiste à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'au niveau du rock, à l'heure actuelle, il y a là toute une évolution de l'univers symbolique, par exemple, de l'homme contemporain. Quand on regarde les derniers groupes là, qui viennent, quand on regarde les pochettes de disques, toute la question du travestisme, par exemple, qu'il y a là, j'ai l'impression qu'on vit au travers de la musique, on vit dans un univers où la parole abstraite n'a pas son importance, toute la révolution sexuelle que nous sommes en train de vivre actuellement. Les grands prêtres ont Alice Cooper. C'est certainement un des sorciers, un des prêtres de notre société. Mais ce qui est heureux, c'est que dans notre société aussi, c'est une société qui va continuellement en se diversifiant. Alors, on ne pourrait pas dire c'est Pasolini, c'est Alice Cooper ou c'est Aldar Camara. Je pense que au niveau de la réalité, sinon au niveau des institutions, on se trouve avec une série de prêtres ou de prophètes qui est terriblement riche. Écoutez, à vous entendre parler, Michel Campbell, je serais tenté de dire que nous sommes au niveau du sacré d'apparition. Ben, c'est ça, le cinéma, c'est quand on va dans la grotte et puis on assiste au mystère à l'intérieur de la grotte. C'est une espèce d'apparition, les gens apparaissent le dimanche entre telle heure et telle heure à la télévision. C'est vraiment l'apparition. Et à ce moment-là, on renoue avec une certaine forme d'apparition très ancienne. Oui, on fait ça la nuit. Et aux États-Unis, par exemple, le drive-in theater, c'était sans doute rempli des fonctions érotiques qu'on retrouvait à l'occasion de l'orgie romaine. Je veux dire, c'est bien entendu que le drive-in theater, il y avait tout un folklore, il y avait des fonctions très précises. On allait dans des autos qui étaient relativement grandes et, je veux dire, les jeunes vivaient leur initiation sexuelle dans leur auto, dans la noirceur, en compagnie de X autres personnes qui vivaient ça, chacun dans son auto aussi. Puis vous avez tout le modèle de la banlieue qui revient ici. Et pendant qu'Elizabeth Taylor et Richard Burton faisaient la même chose sur l'écran. Certains, et je ne voudrais pas charger, certains ont dit les pop festivals, c'est la grande foule du dimanche rassemblée avec un hôtel géant à l'avant, avec un grégorien atomique et des grands prêtres avec leur instrument liturgique étincelant, tout comme la messe traditionnelle. Est-ce que oui, moi j'accepterais ça. Mais je dirais par ailleurs, le drame, c'est une religion qui se vit continuellement à l'état sauvage. Et une religion qui n'est pas capable de se formuler, de se partager dans un discours public, comme dans un discours... C'est des religions qui ne sont pas capables de se donner de théologie. Et à ce moment-là, on est au niveau des pulsions, au niveau du sauvage. Et il faudrait que l'université, il faudrait que les instances critiques de la société, il faudrait que les théologies traditionnelles puissent s'interroger, avoir un discours de réflexion là-dessus pour pouvoir intégrer véritablement toute cette réalité-là qui à l'heure actuelle surgit continuellement, mais peut-être sans discipline et sans avoir toute l'efficacité qu'elle pourrait avoir. Témoignage sur le cinéma comme reflet du sacré. Dans son film Fête de Belgique, Henri Storck décrit quelques cérémonies où se perpétue le sentiment du sacré et, en particulier, le carnaval de Binche. Ce que nous avons filmé, surtout, ce sont des carnavals, des processions. Et je dois souligner quand même qu'un de ces carnavals, qui est celui de Binche, a quand même une origine très ancienne et qui, d'après les spécialistes, évoque tout à fait un culte solaire. Puisque la fête commence au lever du soleil et qu'il y a toute une série d'éléments qui appartiennent à ce qu'on a pu constater, observer, c'est beaucoup de tribus primitives, de ce culte solaire. Et dans toute la civilisation, par exemple, néolithique du Danube, on a retrouvé donc ces survivances surtout par l'étude archéologique de la musique et par l'observation des symboles et des emblèmes qui sont encore toujours portés par les Gilles de Binche, comme par exemple des roues solaires, des animaux, des lions, etc. Est-ce que les participants actuellement au carnaval de Binche sont conscients, à votre avis, même faiblement, des éléments profondément sacrés, justement, qu'il y a dans une manifestation comme celle-là? Je ne sais pas s'ils ont une connaissance scientifique, ethnologique du phénomène, mais en tout cas, ils ont une conscience instinctive de ce sacré. Pour eux, cette fête, ce rituel plutôt, est d'une importance capitale. Parce que, d'abord, il n'a jamais cessé de se manifester. Ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et ce qui fait, je crois, la pureté de ce rituel, c'est qu'ils se défendent d'y changer le moindre détail. Et que tous les détails vont dans le sens des cultes solaires et de fructification. Et alors aussi, ils se défendent, ce qui est une preuve supplémentaire, de sortir de leur ville. Et même à l'intérieur de leur ville, ils parcourent ce qu'on pourrait appeler le périmètre, n'est-ce pas, et le périmètre sacré. Ils n'iront jamais au-delà, et ils vont vers le haut lieu qu'est la grande place. Je pense que dans le cas de Binche, il s'agit avant tout de saluer la naissance du nouveau soleil et du jeune soleil qui fructifiera donc les semences, de fouler le sol précisément avec ce pas très caractéristique pour que la semence germe mieux et d'enterrer l'hiver. Aleksandro Jodorowsky, cinéaste et initié, auteur de La Montagne Sacrée. Tout est sacré dans le monde moderne. Tout a été toujours sacré et tout sera toujours sacré. Et il n'y a pas de choses non sacrées dans la création de l'univers. Dès que l'univers est parti du premier point de concentration, du néant, la première parole, c'était du sacré. Après, cette parole s'est divisée en deux. L'énergie originelle, qu'on l'appellera positive, et la forme originelle qu'introduit l'énergie positive dans une forme qui c'est la vie et la mort. Après ça, le numéro 4 a devenu l'amour. Trop d'amour, c'est c'était de la paresse. Ça s'est équilibré avec la sévérité. Trop de sévérité, ça donnait la cruauté. Ça s'est équilibré avec le centre, avec le cœur du monde, que c'est la beauté. Mais la beauté pure, qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'y a pas de la nature pour l'incarner? Donc, il est sorti le numéro 7, qui incarne la nature, tout ce qui croît, les vers, tout ce qui se reproduit. Mais trop de reproduction devient donc le chaos. Ça s'est équilibré avec le cérémonial. Si la nature c'était Vénus, Vénus s'équilibre avec Mercure. Que c'est le cérémonial, c'est la science. Mais trop de science dans l'aridité. Donc on a le numéro 9, qui c'est l'imagination, l'inconscient. Et tout ça vient tomber comme un arbre. Et les racines sont composées de l'air, de l'eau et du feu de la terre. Donc, tout l'univers est sacré. Le corps humain est complètement sacré. Le pli sacré de l'homme, c'est les pieds. Tout est sacré, mais il faut faire attention aux pieds. On est trop dans la tête. Mais il n'y a rien de plus sacré que les pieds et les nez. Le plus sacré que vous avez dans votre corps, c'est la vie. Ça, c'est la vérité. Vous êtes la vie et rien de plus que ça. C'est une vie entourée au commencement de cette société qui rêve par la subjectivité. Vous n'êtes que la vie. Si vous êtes un animal, vous sentez l'odeur de l'ennemi. Immédiatement, vous avez une impulsion au pied et vous courez. Les pieds sont faits, premièrement, pour s'adapter à la vie. Si vous n'avez pas de pieds, vous ne sauvez pas en étant un animal. Donc, les plis sacrés que vous avez, ce sont vos pieds. Il faut soigner les pieds si vous voulez devenir spirituel. Après, il faut soigner son nez pour respirer bien. Après les pieds, après les secrets du pied, il y a des massages incroyables, des massages du pied. Tous les organes du corps humain sont déposés dans les pieds, et même le cerveau est déposé dans les pieds. Par des massages dans les pieds, vous pouvez toucher la glande pinéale. Comprenez? Une fois que vous avez les pieds spiritualisés, vous pouvez commencer à spiritualiser votre instinct. Une fois que vous avez spiritualisé l'instinct, vous l'avez appris à mourir, parce que l'instinct veut vivre, s'accrocher, jeter l'énergie en dehors, au lieu de la jeter en dedans. N'est-ce pas? Vous sacralisez l'émotion. Quand vous sacralisez l'émotion, vous ne voulez plus être aimé. Vous ne voulez plus aimer que se connaître. La même chose que vous voulez, c'est recevoir. Vous aspirez à l'ignorance. L'ignorance du cœur permet de recevoir le sacré du monde. Sans ignorance, il n'y a pas de sacré. Une fois que vous avez l'ignorance, que c'est le sacré du cœur, vous montez à l'ignorance, vous montez le sacré à la tête, que c'est de la lumière. Les pensées deviennent lumière. La lumière de la tête, c'est le sacré de la tête, non pensée, vide. Mais pour arriver à la lumière de la tête, il faut passer par le noir, par la pourriture de toutes nos pensées. Il faut se dissoudre, il faut dissoudre la mémoire, il faut dissoudre les pensées, il faut dissoudre les doctrines. Il faut dissoudre chaque idée et chaque mot qu'on a incorporé dans la tête. Il faut faire une masse, une pourriture. Et de cette pourriture va émerger une fleur, hein, qu'on appellera le lotus sacré, qu'on appellera la loi dorée, qu'on appellera la lumière du monde, que ce n'est pas votre lumière, c'est la lumière du sacré. Donc, la chose la plus sacrée de l'humanité, c'est l'homme. La chose non sacrée, c'est la subjectivité de l'homme. Dans un ciel qui est obscur, on enlève la lumière, le nuage, et la lumière est là. C'était Le Sacré dans les arts plastiques et le cinéma, une émission de Marcel Kroes, avec des témoignages de Laurent Lamy, Michel Campbell, Henri Storck, Alexandro Jodorowsky. Collaboration Jean Rocroy, Jean Rizer-Nadal. Réalisation Ronald Tenen. Collaboration technique André Thompson. Aspect du sacré dans le monde moderne. est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la quatrième d'une série de 8. Première diffusion sur France Culture le 3 août 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Divine is the word for the sweetest song ever heard. Sing and rejoice in the laughing lilt of her voice. Pass on the breeze like midsummer wind through the trees. Echoes the name Lillimore, Lillimore. Fairer than fair, soft like the petal of a rose, and rarer than rare, and with the time my love just grows. Sing of two eyes holding promise of paradise. Sing yet once more, Lillimore, Lillimore, Lillimore.